brisé le cœur, brisé les côtes, j'ai changé de côté. J'aurais tout, tout, tout, tout, tout donné, tout, tout, tout, tout, tout, tout laissé. Tu m'as brisé le cœur, brisé les côtes, j'ai changé de côté. J'aurais tout, tout, tout, tout, tout donné, tout, tout, tout, tout, tout, tout laissé. On m'a accusé face à lui, moi j'ai plaidé la folie. Ça tourne, tourne, tourne dans ma tête, trop de souvenirs qui restent. Chérie, tu penses que j'oublie, je souris mais je subis. Tes bébés ne me laissent pas, tes bébés ne t'en va pas. Mais nous deux c'est fini, tes je t'aime sont tous parés. Tes tu me manques, bibi, moi j'en ai marre et puis basta. C'est pas comme ça.